بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد tout d'abord les frères, il faut se rapprocher, donc les frères qui sont éloignés ou qui sont adossés au mur, seuls ceux qui sont malades ou qui ont mal au dos sont autorisés à s'adosser contre le mur. Sinon, tous les autres, Inch'Allah, je vous demande de vous rapprocher. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une fois ses compagnons et leur a dit « Mali arakum izin »« Pourquoi vous vois-je éparpillé ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses compagnons se rassemblent et se regroupent les uns à côté des autres. Donc on continue la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, un livre de l'imam ou de Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. C'est une explication de Sheikh al-Bassam et un livre écrit par Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah. La semaine dernière, on avait expliqué le septième hadith de Umdat al-Ahkam, qui se porte volontaire pour nous le réciter. Tadam. Al-Hadith al-Sabi'a. Al-Hadith al-Sabi'a. Mawla Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ana ra'a Uthman mawla da'ani wudhu'i. Annahu ra'a. Annahu ra'a Uthman. Na'am. Bi wudhu'i. Da'a. Bi wudhu'i fa faragha. Da'a bi. بوضوء نعم ففرغ على يديه فأفرغ على يديه نائه ثلاث مرات فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء نعم ثم في الديفيرونس entre الوضوء et الوضوء يعني الوضوء c'est l'eau et الوضوء c'est le fait de faire les ablutions. Et ici, Uthman radiallahu anhu, adkhala yaminahu fi fil wadu. Naam. Thumma adkhala yaminahu fil wadu. Fil wadu. Wadu. Naam. Thumma ghassala wajhahu. Thumma tamadmada wastanshaqa wastansa. Naam. Thumma ghassala wajhahu thalatha. Thumma wayadayhi ila al-mirfaqayni thalatha. Thumma masaha bi ra'sihi. ثم غسل رجليه كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو بوضوء هذا نعم ثم قال من توضأ هذا نحو هذا نحو من توضأ نحو لوضوء هذا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث من نفسه فيهما من نفسه نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه إمام محدث Al-Bukhari wa Muslim. Naam, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Un autre volontaire? Mohamed. أنه رأى عثمان بهذا الوضوء أثر على يديه من إناء غسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمر واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه فمضمر واستنشق واستنثر ثم أدخل يمينه في الوضوء أيوه لا ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم أيوة واستنشق واستنثر نعم ثم غسل وجهه ثلاثة يديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاث مرات ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا نعم ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. جزاك الله خير بارك الله فيكم. يقول المؤلف الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. البخاري ومسلم. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. متفق عليه. التور شبه الطست. نقل بيتهم حديث لعمدة الأحكام selon Amr ibn Yahya al-Mazini, selon son père qui dit « J'ai assisté ou j'étais présent lorsque Amr ibn Abi al-Hassan a questionné Abdullah ibn Zayd sur les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fada'a bitawrin min ma, il a alors demandé à ce qu'on lui apporte un récipient d'eau. Qui a demandé? Abdullah ibn Zayd. Il a alors accompli les ablutions comme le faisait le prophète ou comme les faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'akfa'a ala yadayhi min at-tawr. Il a versé sur ses mains du récipient et il les a lavées à trois reprises. Puis il a entré sa main dans le récipient, a lavé sa bouche, a introduit de l'eau dans son nez et l'a fait ressortir trois fois, et ceci à l'aide de trois poignées d'eau. Puis il a entré sa main dans le récipient et a lavé son visage à trois reprises. Puis il a entré ses deux mains dans le récipient et il a lavé ses mains deux fois jusqu'au coude. Puis il a entré ses deux mains et avec celle-ci, c'est-à-dire avec ses deux mains, il a essuyé sa tête. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً. Il a fait un aller-retour sur sa tête avec ses deux mains une seule fois. Puis il a lavé ses deux pieds. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, il a commencé par le devant de sa tête, puis est parti jusqu'à Al-Qafa, qui est la base inférieure des cheveux, c'est-à-dire au niveau de la nuque. Puis, est revenu avec ses mains jusqu'à l'endroit où il a commencé, c'est-à-dire jusqu'à la limite du front. Et dans une version, Atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous et nous lui avons apporté de l'eau qui était contenue dans un récipient de cuivre. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et At-Taur, c'est un petit récipient. At-Taur, c'est un petit récipient. Gharib al-Hadith. Les termes à expliquer dans le Hadith. أولا بتور من ماء بالمثناه الطست وهو الإناء الصغير قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة ثانيا فأكفأ على يديه أمال وصب على يديه وفي بعض الروايات على يده قال ابن حجر تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. Les termes qui méritent explication dans le Hadith. Premièrement, bitawrin min ma, c'est-à-dire que Abdullah ibn Zayd a demandé à ce qu'on lui apporte un récipient d'eau. Mais ici, il a demandé à ce qu'on lui apporte un taur. Et un taur, qui est en arabe at-tast, qui signifie un petit récipient, un récipient de petite contenance. Et Al-Zamakhshari, il y a une divergence au niveau des savants de la langue, à savoir si At-Taur est un nom féminin ou un nom masculin. Et l'avis de l'imam Al-Zamakhshari, c'est que c'est un nom qui est masculin pour les gens de la langue arabe. Donc At-Taur, c'est un récipient de petite contenance. Deuxièmement, فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ, c'est-à-dire qu'il a versé de l'eau sur ses mains. Autrement dit, il a fait comme Uthman radiallahu anhu, qui pour laver ses mains à trois reprises n'a pas inséré ses mains dans le récipient, mais a pris le récipient et a versé de l'eau sur ses mains, et ceci à trois reprises. Et dans une des versions de ce hadith, il a versé de l'eau sur sa main, ou sur la main. Et Al-Hafidh ibn Hajar, pour expliquer cette version, a dit, ici, c'est le genre qui est voulu, c'est-à-dire la main en tant que membre, et non pas une main, c'est-à-dire au nombre de un. Dans la version, il a versé de l'eau sur sa main, le mot main ici au singulier ne signifie pas une main, mais signifie le genre. Et lorsque l'on parle du genre, cela implique ou inclut à la fois la main droite et la main gauche. ثالثا من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس. Et dans le hadith ou dans une des versions, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ses compagnons lui ont apporté de l'eau qui était contenue dans un récipient de sofr. Et le sofr, c'est, comme l'a dit Cheikh Abdullah al-Bassam, c'est une catégorie de cuivre. C'est une sorte de cuivre. Rabi'an ila al-mirfaqayni marratayn. قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين وكذا في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي إلى هذا. Et dans le hadith, Abdullah ibn Zayd a lavé ses mains jusqu'au coude combien de fois? Deux fois. Et l'imam الصنعاني رحمه الله a dit ainsi, cela était présent dans le livre Umdat al-Ahkam, ou dans les différentes éditions de Umdat al-Ahkam, ou les différents manuscrits. Et il est rapporté dans Al-Bukhari, dans certaines versions de Sahih al-Bukhari, qu'il a lavé ses mains jusqu'au coude deux fois, c'est-à-dire deux fois la main droite et deux fois la main gauche. المعنى الإجمالي لسانس جنرال جو حديث هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملهما بما يلي. Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit le sens général du hadith, ce hadith, son sens est compris de l'explication que l'on a faite précédemment du hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et dans ces deux hadiths, c'est-à-dire à la fois dans le hadith de Uthman ou dans la description qu'a faite Uthman radiyallahu anhu et celle qu'a faite Abdullah ibn Zayd, les deux décrivent les ablutions complètes du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sauf que dans ce hadith de Abdullah ibn Zayd, il y a des plus par rapport au hadith précédent que nous allons expliquer. أولاً صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثاً ثلاثاً من ثلاث غرفات. Premièrement, ce qu'il y a dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd et qu'il n'y a pas dans le hadith de Uthman, c'est que dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, il y est stipulé clairement que al-madmada et al-istinshaq ont eu lieu à trois reprises et à l'aide de trois poignées d'eau. Or, dans le hadith de Uthman, combien de fois il a lavé sa bouche et son nez ? Une seule fois. Et ici dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, فَمَضْمَضَى وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ. Et ceci à l'aide de trois poignées d'eau. Qu'est-ce qu'on en déduit? C'est-à-dire qu'avec une poignée d'eau, qu'est-ce qu'il avait? La bouche et le nez, avec une seule poignée d'eau. Donc, lorsqu'il prenait de l'eau avec sa main droite, il prenait une partie de cette eau pour laver sa bouche et le reste, il l'utilisait pour l'inspirer avec son nez. Et il faisait ainsi à trois reprises, avec uniquement trois poignées d'eau. ثانياً في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثاً وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. Dans le hadith précédent, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a lavé ses mains jusqu'au coude à combien de reprises? À trois reprises. Dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, il a lavé ses mains jusqu'au coude deux fois. ثالثاً قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث روايتين هي دالة على أن ذلك سنة ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. Troisièmement, dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. Puis, il a entré sa main et a lavé son visage à trois reprises. Ici, la main, c'est au singulier ou au pluriel? Au singulier, c'est-à-dire qu'il n'a rentré qu'une seule main. Et c'est l'une des versions de Sahih Muslim, et c'est beaucoup de versions également de Sahih al-Bukhari. Et l'imam Nawawi rahimahullah, après avoir cité ces deux versions, il dit Ceci prouve que cela fait partie de la sunna, c'est-à-dire de laver son visage avec une seule main, que cela fait partie de la sunna. Mais que la majorité des savants sont d'accord sur le fait que ce qui est préférable, c'est de prendre l'eau avec les deux mains jointes pour laver son visage, car ceci est plus facile et ceci permet de mieux laver le visage et de faire en sorte que l'eau atteigne chaque partie de celui-ci. Donc, est-ce qu'il est autorisé de laver son visage avec une seule main ? Oui, et le mieux, c'est de le laver avec les deux mains. رابعا قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم وفي الحديث قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه. Dans le hadith précédent, c'est-à-dire le hadith de Uthman radiallahu anhu, Humran, qui était le serviteur de Uthman radiallahu anhu, a décrit les ablutions qu'a faites Uthman radiallahu anhu, et il a dit, puis il a essuyé sa tête, bi. Et Cheikh al-Bassam dit, وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس. Et comme on l'a vu, certains ont considéré que bi ra'sihi, que le bas ici, c'était les tab'id. Et on a vu la semaine dernière que al-ba ne venait jamais avec le sens de at-tab'id, c'est-à-dire de considérer une partie de la tête et non la totalité. Et certains ont interprété de la même façon le verset où Allah Azza wa Jalla a dit famsahu bi biru'usikum. Et on a vu la semaine dernière que cela n'était pas juste et que l'avis le plus sûr et la vérité, c'est que c'est l'ensemble des cheveux qui doivent être essuyés. Donc dans le hadith de Uthman ibn Affan, l'interprétation était ouverte, c'est-à-dire que certains pouvaient se permettre d'expliquer Bira'si comme étant une partie. Mais dans ce hadith, c'est-à-dire dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, celui qu'on explique actuellement, il a clairement expliqué et décrit qu'il a essuyé l'ensemble de sa tête. Et il a même décrit de façon détaillée la façon par laquelle il a essuyé sa tête. Il a commencé du devant, a fait un aller et retourné. Donc cela prouve qu'il a essuyé l'ensemble de sa tête. Et ainsi, la religion vient, ou les textes religieux, que ce soit le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viennent expliquer les uns les autres, ou viennent s'expliquer les uns les autres. Le Coran explique le Coran, et c'est la meilleure des explications, le meilleur des exégèses du Coran, c'est-à-dire des moyens d'expliquer le Coran, c'est d'expliquer le Coran par le Coran. Puis, si cela n'est pas possible, par la Sunna, et si cela n'est pas possible, alors par les paroles des compagnons, radiyallahu anhum. Et également, la Sunna s'explique, des hadiths expliquent d'autres hadiths, et la Sunna aussi vient expliquer le Coran. La Sunna vient aussi expliquer le Coran. Et ici, en l'occurrence, on est dans le cas où la Sunna explique la Sunna. Dans le hadith de Uthman, Bira'si, sans donner de détails, et dans le hadith de Abdullah ibn Zayd, il nous explique de façon détaillée la façon avec laquelle il faut essuyer sa tête. Donc, conclusion, il est obligatoire, pendant les ablutions, d'essuyer la totalité de la tête. خامسا في الحديثين يذكر عنه عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة. وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر. قال أبو داود: أحاديث الصحاح، أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح مرة واحدة. Dans les deux hadiths, il est cité que lors de Al-Madmada et Al-Istinshaq, c'est-à-dire au moment de laver la bouche et le nez, il a rentré à chaque fois une seule main. Il a rentré à chaque fois une seule main. وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح رأس بيديه. Et dans ce hadith, Abdullah ibn Zayd, il a rentré ses deux mains à la fois pour laver ses mains jusqu'au coude et aussi ses deux mains pour essuyer ensuite sa tête. Donc il est autorisé de prendre l'eau avec ses deux mains lorsque tu veux laver tes bras jusqu'au coude. أدبر بهما أو أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. Et lorsqu'il a lavé ou essuyé sa tête, il a fait un aller-retour avec ses deux mains. Et Abu Dawud, rahimahullah, a dit: les hadiths authentiques, ou tous les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont venus en décrivant le fait d'essuyer sa tête une seule et unique fois. Et Ibn al-Munzir, rahimahullah, a dit: ce qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait d'essuyer sa tête, c'est de le faire une seule fois. C'est de le faire une seule fois. Ça vous rappelle pas des souvenirs? Qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait expliqué le livre Al-Wajiz sur le fait de laver ou d'essuyer ses cheveux? On avait dit qu'il était autorisé une fois et qu'il était autorisé de temps en temps trois fois. Et avec Oulihal, il y a une divergence des savants, comme on l'avait vu, sur l'authenticité des hadiths dans lesquels il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête à trois reprises. Je vais vous citer une parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Min bab al-amana al-ilmiya, yani pour respecter le dépôt de la science, c'est-à-dire de citer l'avis des grands savants même lorsqu'ils se contredisent, afin que vous puissiez avoir une vision plus générale des différents avis. Qala al-Sheikh al-Albani rahimahullah fi kitabihi Tamam al-Minnah. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah a dit dans son livre Tamam al-Minnah, dans la page 91, Tamam al-Minnah, le nom entier c'est Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq ala fiqh al-Sunnah. C'est un livre où Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah a écrit l'ensemble de ses remarques sur le livre Fiqh al-Sunnah de Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala. Celui donc qui a le livre Fiqh al-Sunnah et qui a avec ce livre celui de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui est Tamam al-Minnah, eh bien il profitera énormément de ce livre, car les remarques de Cheikh Al-Albani rahimahullah sont bien sûr précieuses, et ces remarques sont d'ordre juridique, c'est-à-dire sur les jugements ou sur le sur les jugements sur lesquels il n'est pas d'accord, et également sur les hadiths faibles qui ont été cités dans Fiqh al-Sunnah, et les avis qui, pour Cheikh Al-Albani rahimahullah, contredisent la vérité. يقول الشيخ رحمه الله قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثابت حسن وله إسناد ثالث حسن أيضا وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود وقد قال الحافظ في الفتح وقد روى أبو داود عن وجهين أو من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وصحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس وزيادة من الثقة مقبولة قلت وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض ما لا تعارض روايات التثليث إن إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit dans son livre Tamam al-Minnah et il a été rapporté de façon authentique dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête à trois reprises. Un hadith rapporté par Abu Daoud dans deux ou à travers deux chaînes de transmission qui sont jugées bonnes et il a une troisième chaîne de transmission qui elle aussi est bonne. Et j'ai parlé de ces chaînes de transmission avec précision dans mon livre Sahih Sunan Abi Daoud. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit dans son livre Al-Fath, Fath al-Bari, et Abu Daoud a rapporté, c'est-à-dire le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé à trois reprises ses cheveux ou sa tête, que Abu Daoud a rapporté cela via deux chaînes de transmission dont l'une a été jugée authentique par l'imam Ibn Khuzaymah. وَزِيَادَةُ الثِّقَةُ مَقْبُولَةُ. Ici, Cheikh Al-Hafidh Ibn Hajar parle d'une règle dans l'ilm al-hadith, à savoir que زِيَادَةُ الثِّقَةُ مَقْبُولَةُ, c'est-à-dire que lorsqu'un rapporteur du hadith rapporte un plus, à partir du moment où il ne contredit pas un rapporteur qui est plus authentique que lui, ou qui ne contredit pas des rapporteurs qui sont en plus grand nombre que lui, alors il est autorisé de prendre en compte sa version. Donc il y a une condition pour que lorsque un rapporteur rapporte une information supplémentaire dans un hadith, deux conditions, il ne doit pas contredire des rapporteurs qui sont plus authentiques que lui, c'est-à-dire qui sont plus justes, qui ont une meilleure mémoire et qui sont reconnus ou qui ont un degré plus élevé chez les savants du hadith. Et également, il ne doit pas contredire un nombre plus important de rapporteurs. Si 10 rapporteurs du hadith rapportent le hadith d'une façon et qu'un seul vient rapporter, alors le plus n'est pas accepté. Ou si il y a la contradiction entre deux rapporteurs, mais l'un est connu pour être plus fidèle et plus fiable au texte, alors on ne prend pas en compte la version de ce second. Et ici, Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que ziyadatu ici, que le plus est authentique. Et il dit, rahimahullah, wa huwa al-haq, et c'est la vérité. Car la version qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé une fois sa tête, même si ce sont les versions qui ont été le plus rapportées, elles ne contredisent pas la version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé à trois reprises. Car le fait d'essuyer à trois reprises, est-ce que l'on dit que c'est une obligation ou une sunna, c'est-à-dire préférable? C'est une sunna. Donc le fait de dire que de laver trois fois est une sunna, est-ce que ça contredit le fait de dire que de laver une fois est obligatoire? Non. Cela ne contredit pas, et ainsi l'on doit faire avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a des faits ou des adorations qui ne se contredisent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rassembler en faisant de temps en temps une façon et de temps en temps une autre. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et c'est aussi l'avis de l'imam As-San'ani, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, dans son livre Subul Salam, qui est l'explication de Bulugh al-Maram. Et Bulugh al-Maram, c'est un livre de qui? De Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Donc c'est l'avis de Cheikh Al-Albani qu'il faut aussi prendre en compte. À Kulihal, il y a une divergence des savants. Donc les savants qui considèrent que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé trois fois est faible, disent que la seule chose ou la seule façon qui est légiférée, c'est d'essuyer la tête une seule et unique fois. Et quant aux autres savants qui considèrent que le hadith est au minimum hassan, bien ils disent qu'il est légiféré de faire de temps en temps ou d'essuyer de temps en temps une fois et de temps en temps trois fois, mais le plus souvent de le faire une fois, car la plupart des versions parlent d'une fois. Allah alam. Il y a pas, c'est pas rapporté. Sadisan, al-hadith sarraha bi ghasl ar-rijlayn wa huna lam yadhkur. وغسلهما من الفروض المتفق عليه فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. Sixièmement, le hadith parle de laver les deux pieds. Et ici, cela n'est pas cité. Et le fait de les laver fait partie des obligations qui font l'unanimité des savants. Et le fait que de laver les pieds n'a pas été cité dans ce hadith ne prouve pas qu'il n'est pas obligatoire de les laver. Dans le hadith ici, est-ce qu'il est cité ou pas, laver les pieds? Non. Ghassala rijlayhi. En fait, ce qu'a voulu dire Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, c'est que dans certaines versions, les pieds ne sont pas cités. Dans certaines versions du hadith, les pieds ne sont pas cités. Donc dans celle que l'on a ici, les pieds sont cités, mais dans d'autres versions, elles ne le sont pas. Donc celui qui tombe sur l'une de ces versions, qui ne pense pas que le fait que le lavage des pieds n'y est pas présent, que cela n'est pas obligatoire. Bien au contraire, de laver les pieds est obligatoire à l'unanimité des savants. Sabi'an, yukhadu min hadha al-hadith, جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت بذلك الأحاديث. Septièmement, on en déduit de ce hadith l'autorisation de ne pas laver les membres des ablutions de façon identique en termes de nombre de fois, et qu'il est autorisé de laver des membres plus de fois que d'autres, et que de laver trois fois est la façon la plus complète, même si en dessous de trois est suffisant, comme les hadiths authentiques sont venus pour le soutenir et pour l'appuyer. Donc on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé de laver des membres du corps, des membres des ablutions, plus de fois que d'autres. Comment, d'où on a déduit dans ce hadith, Cheikh Al-Bassam, ce que l'on retient ici. Non, le fait que Hassan, que Abdullah ibn Zayd a lavé ses avant-bras deux fois, et le visage trois fois. Donc là, il y a une différence en termes de nombre de fois. D'accord ? Il y a une différence en termes de nombre de fois, et cela est autorisé. Car beaucoup se posent la question, est-ce qu'il est autorisé de laver deux fois les mains, trois fois le visage, et de laver une fois les pieds, ou deux fois les pieds? La réponse est oui. À partir du moment où tu laves au moins une fois, tu as fait l'obligatoire. Si tu as fait deux fois, tu as fait mieux que l'obligatoire. Si tu as fait trois fois, tu as fait la façon complète. Et si tu as fait quatre fois, tu as désobéi au professeur Hassan. Ainsi, l'islam nous pose des limites. En suivant la logique, on dirait que de laver quatre fois, c'est meilleur, parce que c'est encore plus propre, et on lave encore plus. Eh bien, non. Lorsque tu laves quatre fois, comme l'a dit le professeur Hassan, faqad asa'a wa zalam. Faqad asa'a wa zalam. C'est-à-dire qu'il a fait un mal et qu'il a outrepassé. ثامناً اختلف العلماء في البداءة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قف الرأس. Huitièmement, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, cite une des divergences des savants, à savoir sur l'endroit dans lequel on doit commencer à essuyer les cheveux. L'on commence par le début ou par l'avant de la tête jusqu'à la fin. Ceci est l'avis de l'imam Ibn Daqiq al-Aïd et l'imam As-Sanani, rahimahullah. Mais c'est aussi l'avis de la plupart des savants. Et certains savants ont compris de la parole de celui qui a décrit les ablutions d'Abdullah ibn Zayd, « فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرُ ». « Aqbala » ça veut dire quoi ? Ça veut dire avancer. « Adbara » ça veut dire reculer. Il a d'abord avancé avec ses deux mains, puis reculé. Et certains savants ont déduit de cette parole qu'il a avancé ses deux mains, puis a reculé. C'est-à-dire qu'il a commencé de derrière. Ça, c'est l'avis de certains savants. Pour voir comment les savants décortiquent les hadiths du professeur Hassan et en déduisent des jugements. Mais bien sûr, l'avis le plus sûr, c'est de commencer par le devant, de descendre et de remonter. Quelle est la preuve ? L'autre riwaya, ahsant, فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ. Il a commencé par le devant de sa tête. La version est claire. Il a commencé par le devant de sa tête, puis il est descendu jusqu'au qafa et est remonté. Et il a terminé de l'endroit où il a commencé, à savoir le devant de la tête. C'est clair ou pas pour ce hadith ? Pas de question ? Non. Parce que les oreilles, ça vient après, dans d'autres hadiths. Non. طيب الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ومسلم. بنظم حديث سنو عائشة رضي الله عنها الجي لبخفت صلى الله عليه وسلم بخفره le fait de commencer ou d'utiliser la main droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il se lavait et dans toute autre circonstance. Et dans toute autre circonstance, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith, les termes qui mérite explication. أولا يعجبه التيمم يفضل تقديم الأيمن على الأيسر قال الصنعاني كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندم والندب عفوا بين الإيجاب والندب يعجبه التيمم. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait utiliser la main droite par rapport à la main gauche. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, a dit, tout acte qui est aimé d'Allah ou de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela prouve qu'il est légiféré. Tout ce que Allah azza wa jalla aime et tout ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam aime, le fait que ses actes soient aimés d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela prouve que c'est un acte légiféré. Et quant au jugement, cet acte peut être obligatoire ou bien il peut être recommandé. Thaniyan fi tana'ulihi, c'est-à-dire lorsqu'il se chaussait, c'est-à-dire lorsqu'il mettait ses sandales. Thalithan wa tarajjulihi, tasrihu sha'ri ra'sihi wa lihyatihi bil musht. Et dans le fait de se peigner, c'est-à-dire de peigner les cheveux, ses cheveux et sa barbe à l'aide d'un peigne. De peigner ses cheveux et sa barbe à l'aide d'un peigne. Car nous sommes une communauté où les hommes se peignent les cheveux, mais se peignent aussi la barbe. Alhamdulillah. Rabi'an وطهوره بضم الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. Et également dans sa purification, ou lorsqu'il se purifie, بضم الطاء, c'est-à-dire وطهوره. Il n'a pas dit, وعائشة رضي الله عنها n'a pas dit وطهوره. وطهوره, c'est-à-dire lorsqu'il se lavait. Et ceci inclut ou concerne les ablutions, le grand lavage et le fait d'enlever une impureté. Et le fait d'enlever une impureté. On va voir Inch'Allah après. خامساً وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين وفي شأنه كله عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. Et dans toutes ces circonstances, c'est-à-dire dans les choses qui sont bonnes comme celles citées précédemment, à savoir le fait de se chausser, le fait de se peigner, le fait de se laver. Et Cheikh Taqiyuddin, qui est Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, a dit que dans toutes ces circonstances, c'est une généralité qui, en réalité, est précise. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire l'ensemble des circonstances, que cela concerne un bien ou un mal, ou que cela concerne quelque chose de pur ou de impur. Mais que c'est une généralité qui est précise et qui signifie le fait de qui concerne les bonnes choses. Et on est exclu, par exemple, comme l'a dit Cheikh al-Islam, le fait d'entrer dans les toilettes et de sortir de la mosquée, qui sont des faits ou des actes ou des œuvres qui doivent se faire avec la gauche. Lorsque tu entres dans les toilettes, tu entres avec le pied gauche, et lorsque tu sors de la mosquée, tu sors avec le pied gauche. Wa izalatun najasa, justement dans le point avant que l'on a cité, que cela englobe les ablutions, le fait de se laver et le fait d'enlever l'impureté. Comment comprendre le terme enlever l'impureté? Non? Est-ce que ça veut dire nettoyer avec la main gauche? Ou est-ce que ça veut dire commencer par laver la main droite si elle est sale. Si tu as la main droite et la main gauche de sale, laquelle tu vas commencer à laver? La droite. Donc de commencer par laver les membres droits qui sont atteints d'une impureté. المعنى الإجمالي للسنس جنرال من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته روين علما كثيرا فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك. Le sens général du hadith. Parmi les mérites des mères des croyants et en particulier Al-Hafidah, la savante et la véridique fille du véridique qui est Aïcha radiallahu anha, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté ou ont rapporté à la communauté les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en particulier les actes et les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'enceinte de sa maison, des actes que ne peut voir ou que ne peut constater que les gens de sa famille. Elles nous ont donc rapporté une science grande. Et ici, Aïcha radiallahu anha nous informe que l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était aimé chez lui, était de précéder la droite lorsqu'il se chaussait, ou lorsqu'il mettait ses sandales, lorsqu'il se peignait les cheveux, lorsqu'il se lavait de l'impureté, et ceci dans l'ensemble des cas qui sont similaires à ceux décrits, comme le fait de porter un qamis, ou de porter un pantalon, ou de dormir, ou de boire et de manger, et toutes choses similaires. Tout ceci pour montrer l'importance de la droite et que la droite est plus est plus noble et que la droite est plus noble que la gauche. Quant aux choses répugnantes, le mieux est de commencer celle-ci par la gauche. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire l'istinja de la main droite. Qu'est-ce que l'istinja? De se laver les parties avec de l'eau. Et le professeur Asselem a interdit de toucher l'organe génital par la main droite. لِأَنَّهَا لِلطَّيِّبَاتِ car la main droite est utilisée pour les choses nobles. وَالْيَسَارُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ et la gauche pour toute autre chose. Donc ici le hadith est clair, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait. Pour cela que dans le chapitre du Hajj, on avait vu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme de lui raser la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de commencer par la droite. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se vêtissait, lorsqu'il mettait ses vêtements, il commençait par le bras droit, lorsque c'était un qamis, et le pied droit ou la jambe droite lorsque c'était un pantalon. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé et nous a enseigné de dormir sur le côté droit et de mettre notre main droite sous la joue droite. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de boire et de manger avec la main droite. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner et de prendre avec la main droite, de donner avec la main droite et de prendre avec la main droite, de boire et de manger avec la main droite, car celui qui le fait avec la main gauche, ou car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car c'est le diable qui donne avec la main gauche, qui prend avec la main gauche, qui boit et qui mange avec la main gauche. طيب ما يؤخذ من الحديث ce que l'on doit retenir du hadith. اولا ان تقديم اليمين للاشياء الطيبه هو الافضل شرعا وعقلا وطبا قال النووي قاعده الشرع المستمره استحباب البداءه باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر. Premièrement, le fait de précéder la droite dans toute chose bonne, et ceci est le meilleur. Dans la religion, ceci est meilleur vis-à-vis de la raison, et ceci est meilleur au niveau médical. Cela est meilleur au niveau de la religion, car les hadiths sont clairs à ce sujet. Au niveau de la raison, car si la droite est plus noble que la gauche, il est normal d'utiliser la droite pour les bonnes choses et la gauche pour les choses qui sont moindres ou qui sont répugnantes ou détestables. Et également médicalement. Pourquoi médicalement ? Non, en général, les gastro sont dus à quoi ? En général, elles sont dues à ceux qui ne se lavent pas les mains. Et les microbes qu'il n'a pas lavés, eh bien, produisent cet effet dans son estomac. Et celui qui utilise sa main droite pour des choses impures ou des choses répugnantes, eh bien, sa main droite sera plus propice à être impure et à contenir des microbes. Or, le musulman doit manger et doit boire de sa main droite. Donc, de ne pas utiliser la main droite pour ces choses est meilleur également au niveau médical. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit, et la règle en religion, la règle en islam qui continue à exister est le fait qu'il est préférable de commencer par la droite dans tout ce qui entre dans le chapitre des choses nobles et des choses belles. Quant à tout ce qui vient contredire cela, il est préférable de commencer par la gauche. ثانياً إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعاً وعقلاً. Que de commencer par la droite pour les choses répugnantes est ce qu'il y a de mieux tant au niveau de la religion qu'au niveau de la raison, c'est ce qu'on a expliqué juste avant. ثالثا إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. C'est-à-dire que la législation musulmane, la noble religion de l'islam, est venue pour éduquer les gens, pour leur apprendre les bonnes manières et pour les préserver de tout mal. Ainsi, lorsque une chose est légiférée dans notre religion, c'est toujours pour notre bien, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. رابعاً إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه قال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف لا يعلم في عدم الوجوب خلاف. Quatrièmement, ce qu'il y a de mieux pendant les ablutions, c'est de commencer par les membres droits des ablutions avant les membres gauches. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit, les savants sont unanimes sur le fait que de précéder les membres droits pendant les ablutions est une sunna. Celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire celui qui commence par laver sa main gauche avant sa main droite, eh bien, le grand mérite lui sera passé sous le nez, mais cela ne remet pas en cause la validité de ses ablutions. Et قال في المغني et ابن قدامة رحمه الله a dit dans le مغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف. Il n'est pas connu de divergence sur le fait que de commencer par la droite est une obligation. Ibn Qudam, rahimahullah, dans son livre Al-Mughni, dit bien plus, il dit que pour lui, il n'y a pas de divergence sur le fait que de commencer par les membres droits des ablutions est une obligation. Autrement dit, qu'il est obligatoire de commencer par sa main droite et ensuite par sa main gauche et de commencer par son bras droit, son bras droit puis son bras gauche et son pied droit puis son pied gauche. والله أعلم ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.